على الخلطة اللي تعديك الجرب وياه وانت صادم يا اخويا وما جايب اخبار عييت ما نوصي ما صوت ما نهدر ما صوت ما نهدر اه كتني الدخمام ونهدر 2004 C'est pour les frères et les sœurs incarcérés. Le soleil se couche derrière une ligne de barbelés. Et là commence les niaques, promenade la part où l'est. Certains sont là pour une part ou pour une part. D'autres juste parce qu'ils sont peuple ou une part. Ou faut avoir trop picolé ou déconné. Alors que dans la main gauche j'avais le pistolet. Et de la droite à jurer devant un juré. Au nom de ta famille et le quartier t'es injurié. Toute la nuit sonne les clés, donc j'pète un câble. Certains n'ont même pas la télé, d'autres ont le câble. Les parloirs deviennent fantômes quand dehors c'est moins stable. Fini l'époque du train fantôme, encore plus celle du cartable. Les yo-yo servent d'internet reliant chaque fenêtre. Et you you à ta sortie, quand on verra ton fenêtre. D'ici là garde la pêche, la foi et la patience. Car même en tôle, on acquiert de l'expérience. Pour la vie, ou plutôt ceux qui en restent. Un grand courage, ceux qui y sont à vie. Et pour le reste, tenez-vous à carreau. Les choses avancent seulement quand elles sont carrées. Et puis dehors, crois-moi c'est plus le même tarot. Certains se sont barrés, d'autres sus pour une garrot. Le temps devient ta sagesse, à force d'avoir oublié. Même avec tout ce que t'encaisses, n'oublie pas le billet. Ce morceau c'est pour vous, les ponts et les crapules. Alors chez toi fais péter le son, tous ceux en cellule. Hammam gadoua qui sera lak. Ma t'khallihom chi dayo hiyatak. Khouya rak sghir, chouf l'hsabak. Cellule, écrou, bâtiment et division. Parloir, promenade, courrier, mandat et maton. Cantine, cuisine, télé, stopo et ballon. Ça reste hardcore comme quand tu vas au charbon. Permission, insoumission, bave et juge. Détention, distraction, seul Dieu te juge. À tous les prisonniers, gardez le moral. C'est juste amical, on fait pas la morale. Permission, insoumission, bave et juge. Détention, distraction, seul Dieu te la juge. La vérité, je t'ai écrit. Des frères qui tombent, des mères qui poussent, tes cris. Triste constat, c'est contre les poupous qu'on se tape. Pour ton frère au quart plat, tu cœur. Ça vient, on est d'accord, la cour du 6 à l'atoll, on part au tutor. A tous nos frères enfermés, qui tous les soirs voient leur porte, leurs cellules fermées. D'un côté les lance-bas, qui fait ski. La promenade, pas peur de se faire kidly. Les grandes peines, qui tous les soirs pensent à comment se vaisseau. Jour d'arrivage, les surveillants accueillent les arrivants. Certains se laissent aller, d'autres gardent l'esprit innovant. Cours de promenade, une cellule, des pédophiles, des crapules. Encore un enfoiré de juge qui refuse les permis. Pour le parloir, enfermé entre quatre murs en esquivant le tarmi. Génération sacrifiée, on se contente pas, des tas de pas. Oh, haineux qui nous jalouse comme un concurrent qui tâte. Pas au ballon, qu'est-ce que tu veux faire à part pomper et taper le ballon comme ébris. D'injustice certains se mettent à l'arrière-pris. Des cris dans la nuit, ça c'est le pétophile qui se fait smatcher. Des bruits dans la douche, ça c'est une cape pour qui se fait catcher. Et les doubles faces aussi, à tous les prisonniers, gardez le moral. C'est juste amical, on fait pas la morale. Cellule, écrou, bâtiment et division. Parloir, promenade, courrier, mandat et maton. Cantine, cuisine, télé, stopo et ballon. Ça reste hardcore comme quand tu vas au charbon. Permission, insoumission, bave et juge. Détention, distraction, seul tu te juge. À tous les prisonniers, gardez le moral. C'est juste amical, on fait pas la morale. Aman, aman, aman, aman, aman. Aman, aman, aman, aman. وانا اللي خدعني لمان لمان